Voici votre bulletin régional. Dans le cadre des concerts de la gare de Hastings, le 23 juillet, soirée country avec Homebend et RR. Le 24 juillet est la date limite pour l'inscription au cours de sauvetage offert par la ville de Hastings. Tous les détails à hastings.ca/cours de sauvetage.